L'île du Cocotier par XB Saintine. Vers la fin du siècle dernier, je me trouvais aux Indes orientales où, poussé par mon besoin continuel d'activité, j'étais allé chercher les progrès de cette compagnie de marchands anglais qui, d'abord si humble dans son début, fit denrée de justice et de bonne foi pour s'emparer doucement de la bienveillance des souverains du pays et qui, après avoir levé des armées, afin de disputer le commerce du poivre et de la cannelle aux Hollandais, vend aujourd'hui des peuples et donne des trônes par-dessus le marché. Je fis connaissance à Madras, sur la côte de Coromandel, du jeune Edward Seyton, d'une ancienne famille d'Écosse, et arrière-petit-fils de ce fameux Child, dont le nom figure si tristement dans les premières entreprises de la compagnie. Seyton, élevé à Londres au milieu du bruit et de l'éclat, ne voyait de bonheur que dans les plaisirs que procure une grande opulence. Après la mort de son père, il vendit ce qu'il nommait le modeste patrimoine de sa famille, réalisa un 500 000 de livres tournois et vint aux Indes, disait-il, pour y faire fortune. Il avait des mœurs douces, un esprit vif, nous discutions souvent ensemble et, quoique rarement d'accord, l'intimité ne tarda pas à s'établir entre nous. Depuis 2 ans qu'il avait quitté les plaisirs de Londres, ses capitaux étaient loin de s'accroître avec cette rapidité sur laquelle il avait compté dans ses rêves d'opulence. « Me faudra-t-il donc vieillir loin de mon pays et de mes amis, disait-il, et ne posséder des trésors que lorsque je n'en pourrai plus faire usage ? Qui vous empêche de jouir sur le champ de votre fortune ? Peut-elle satisfaire à mes besoins ? Que l'homme est malheureux, ajouta-t-il, sa vie n'est qu'un désir déçu. Une espérance trompée. Le ciel ne semble l'avoir doué de la pensée que pour mieux lui faire sentir la misère de sa nature. Il n'est convoiteux et ne peut rien obtenir. Son imagination jeune et ardente crée devant lui un monde tout de volupté, dont la réalité vient sans cesse dissiper le charme. Son œil embrasse une étendue immense, et sa main est impuissante à saisir. Le coin de terre où il prend naissance ne produit point assez pour lui. Les aliments qui doivent le nourrir, la liqueur qui doit calmer sa soif et entretenir ses forces, le vêtement qui doit le défendre contre l'intempérie des saisons, tout est placé loin de lui, hors de lui, dispersé. Et ce n'est qu'au milieu des travaux pénibles, des périls certains, qu'il s'en rend possesseur. Mais vous ne parlez ici que de ce petit nombre d'hommes que leur position sociale ou leur richesse ont mis à même de tout goûter, de tout épuiser, et chez qui des sens fatigués ont créé de nouveaux besoins. Les autres existent-ils ? Celui-là seul peut croire au bonheur qui exerce ses facultés de sentir dans toute leur plénitude et qui jouit de sa force par l'abus qu'il en fait. Malheureusement, ajouta-t-il d'un ton plus calme, vous avez raison, c'est le petit nombre. Que d'existences doivent être sacrifiées à celles-là. Il faut les travaux de tout un peuple pour un bonheur de roi. Ces malheureux Indiens qui nous entourent, croyez-vous qu'ils ne maudissent pas la vie ? Sont-ils heureux ? Ils le seraient peut-être si vos compatriotes n'avaient pas du bonheur la même idée que vous. Dans ce moment, nous fûmes rejoints par un officier de la compagnie qui venait de recevoir des nouvelles de Londres. Après les premières informations, et lorsque le nouveau venu eut donné à Seyton quelques détails sur ses amis de la métropole, « Vous avez entendu parler de Henry Middleton ?» lui dit-il. « Sans doute. Voilà un homme heureux !» s'écria Seyton en se tournant vers moi d'un air de triomphe. Un rang distingué, une fortune considérable, des hôtels magnifiques à Londres et à Édimbourg, une maison de plaisance sur le continent, un train de chasse en réputation dans tout le nord de l'Angleterre, les plus beaux attelages, une table somptueuse, une loge à Covent Garden et à Drury Lane, des amis, des maîtresses partout. Ah, s'il est riche, il sait jouir, et donner à ses revenus un écoulement bien raisonné. « L'engorgement pourra bien se mettre dans ses finances, » répondit l'officier en riant, « car Middleton est mort. »« Mort ? Il s'est tué. »« Quoi donc ? Éprouva-t-il des revers, des pertes ? » ?»« Non, certes, il avait de quoi vivre, et le plus agile de ses chevaux n'aurait pu en 24 heures faire le tour de ses domaines. »« Il a donc été trahi par ses amis, par ses maîtresses ?»« Cela n'est point probable. Ses amis étaient bien nourris et ses maîtresses bien payées. » « Il s'est tué parce qu'il avait assez de la vie. »« Quel était son âge ? » demandai-je. « 36 ans. »« Une si belle fortune !»« Qu'importe le nombre de ses hôtels, de ses valets et de ses maîtresses ? » m'écriai-je. « l'homme le plus riche n'a que 5 sens à exercer. Sont-ils usés? Il est vieux. En vain, il cherche à animer ce feu de l'imagination qui anime, qui divinise tout. Son cœur bat avec moins de force. Le désir n'a plus d'empire sur son sang appauvri et fatigué. Il voit alors avec amertume que le ciel n'a départi à chaque individu qu'une certaine quantité d'émotions à dépenser, que pour jouir longtemps de son bonheur, il faut le ménager, se mettre au régime. Quand il l'a dissipé follement, et qu'il ne voit plus d'avenir pour lui, car l'avenir est tout pour l'homme dont l'intelligence et l'imagination ont pris trop de développement. La vie a perdu son but. Riche, honoré, mais perclus de l'âme, il est comme dans un brillant équipage à qui les chevaux manquent. C'est le vaisseau chargé d'or, mais qui n'a plus ni voile, ni boussole, ni pilote. La mort de Henry Middleton donna carrière aux réflexions d'Edward. Il finit par convenir avec moi qu'une trop grande fortune, comme un trop grand pouvoir, était souvent un malheur. Un jour même, il fut tenté de vendre les actions qu'il avait acquises dans les comptoirs des Indes et d'essayer d'une existence paisible et facile. Mais à cette époque, la compagnie était au milieu des embarras d'une guerre longue et opiniâtre. Il lui avait fallu solder de nombreuses armées, acheter des amis, désarmer des ennemis. Les dépenses dépassaient momentanément les bénéfices. Les actions perdirent, et tous les beaux projets de Seyton furent ajournés. Peut-être, disait-il, mon patrimoine pouvait me suffire, mais si je vends aujourd'hui, il me restera au plus 15 ou 20 000 livres de revenus. Ce n'est point assez pour vivre heureux. En vain, lui disais-je, la compagnie est dans une situation difficile. Les Français semblent vouloir, par l'Égypte, se frayer un chemin vers les Indes. Prenez garde de tout compromettre en voulant tout conserver. Il ne voyait que le malheur d'être réduit à 20 000 livres de revenus. Il ne songeait plus qu'à la perte qu'il avait faite, à sa jeunesse qu'il dissipait sans profit pour le plaisir. La mélancolie s'empara de lui, et il finit par se croire le plus malheureux des hommes. Cependant, la compagnie ne dépensait pas ses trésors sans gloire. Alors, Hyder Ali et le brave bailli de Suffren n'étaient plus là pour contenir l'ambition anglaise. Tippo Saeb voyait l'empire fondé par son père près de s'écrouler sous le canon britannique. Tout ce grand mouvement de peuple et d'armée, tous ces graves intérêts qui se débattaient alors à l'extrémité de la péninsule, semblaient réveiller l'attention d'Edward Seyton. Nous fûmes ensemble témoins de la ruine du Mysore et de la mort de Tippo. Cette grande chute lui fit jeter un regard ironique sur ses propres malheurs, comme les crispations nerveuses et larmoyantes d'une petite maîtresse se taisent à la vue d'une douleur de mère. Mais les riches dépouilles de Seringapatam, étalées sous ses yeux, vinrent bientôt le rendre à ses idées d'opulence, à ses regrets, à sa tristesse, et à son éternel refrain sur l'impossibilité d'être heureux sans une grande fortune. Il était donc de nouveau dans ses dispositions lorsqu'une mission importante l'appela à Malé, capitale des îles Maldives. C'était un voyage de quelques jours. Je résolus de l'accompagner et nous embarquâmes à Banyani, côte de Malabar, par le temps le plus favorable. Mais le vent changea bientôt, et après avoir vainement couru débordé dans le golfe du Sindh, nous fûmes forcés de dériver. Le troisième jour, cependant, nous apercevions les groupes nombreux des îles. Le vent se calmait. La nuit n'était pas loin, et craignant de nous heurter contre un des 1000 archipels des Maldives, nous jetâmes l'ancre devant une espèce de banc de sable qui se montrait à quelques centaines de pas devant nous. Le capitaine de notre brick, vieux marin, qui avait passé sa vie à parcourir ces parages, nous fit alors, pour occuper le temps, l'historique de la butte sablonneuse que nous avions en vue. Après nous en avoir longuement décrit les côtes, les caps, les anses, indiqué la direction des courants, la position des récifs, pour nous mettre à même d'apprécier ses connaissances nautiques. Autrefois, nous dit-il, cet îlot était cultivé et plusieurs familles y vivaient à l'aise car on trouve là une source de bonne eau, pas trop saumâtre, et le sol en était fertile. Mais un jour, il y a longtemps de cela, une effroyable tempête, telle qu'on en avait vu de mémoire d'homme, bouleversa tout le golfe. Les eaux s'élevèrent en tourbillonnant à une prodigieuse hauteur. Un grand nombre d'îles en souffrirent, celle-ci surtout. Elle disparut entièrement pendant plusieurs jours que dura la tourmente. Puis enfin, la mer calmée, on la vit revenir sur la surface des flots, mais nue, dépouillée. Ce n'était plus qu'un squelette hideux. Les habitations, les digues, le sol même, la mer, avaient tout dévoré. Un seul homme, un seul arbre échappèrent au désastre. Vous pouvez encore distinguer à travers la brume, près d'une petite falaise blanche, une touffe de verdure qui ressemble d'ici à un léger nuage fixé sur l'île. C'est un cocotier qui, dit-on, fut maintenu debout par les débris accumulés autour de lui. Les eaux, en se retirant, lui enlevèrent cet appui, mais les racines du cocotier se plaisent dans le sable. Il restait en place. Quant à l'insulaire, absent du pays lors de l'ouragan, il en représente seul aujourd'hui toute la population. « Comment ?» s'écria Seyton. « Un homme existe sur ce rocher ?» On le dit. « Mais comment y peut-il vivre ?» Je l'ignore. Ce récit avait piqué notre curiosité, et il fut décidé que le lendemain, au jour naissant, nous irions visiter l'île. Débarqués sur le rivage, nous ne vîmes rien d'abord qui pût nous faire supposer l'existence d'un être humain dans cette solitude aride. Nulle trace de terre végétale. Partout un calcaire grossier, recouvert çà et là de monticules de sable. Cependant, nous ne tardâmes pas à revoir le sommet du palmier, que nous avions perdu de vue depuis que notre barque s'était rapprochée de l'île. Plus nous avancions, plus le palmier grandissait devant nous, mais vainement nous cherchions du regard quelque indice qui nous annonça la présence de l'insulaire. Enfin, notre émotion fut grande en trouvant au pied de l'arbre une légère cahute construite de mains d'homme. Un homme habitait donc ou avait habité ce désert. Sans doute c'était un malheureux qui, là de ses semblables et de la vie, sera venu ensevelir ici ses regrets. Il y est mort de douleur et de misère, ou peut-être, du haut d'un de ses promontoires, il aura été rejoindre volontairement cette population amie à laquelle il avait survécu. Telles étaient nos pensées, lorsque du fond d'un rocher creusé en grotte, mais plus aride, plus dépouillé encore que les autres, nous vîmes s'avancer vers nous un Indien, l'habitant, le propriétaire, le roi de l'île. C'était un vieillard de couleur olivâtre et d'une grande maigreur, mais dont la démarche, cependant, accusait encore la force et la santé. Dès qu'il nous aperçut, loin de paraître intimidé, il vint à notre rencontre d'un pas hâté, et l'air de la satisfaction se peignit sur sa figure. Après qu'il nous eut, selon la coutume, souhaité la santé et les prières des pauvres, il entra dans sa cahute, en retira quelques noix de coco, du poisson séché au soleil, un vase rempli de vin de palmier, et s'accroupit auprès de nous, après avoir étendu une natte sur le sable fin qui tapissait le terrain autour du cocotier. Cette hospitalité si confiante et si modeste, le lieu de la scène, ce tableau si simple et si grand qui nous entourait, un rocher, le ciel et la mer, cette pensée de trouble qui saisit l'homme de la civilisation lorsqu'il se sent vivre dans un coin si isolé, si inconnu du globe, tout concourait à frapper d'étonnement l'esprit de l'orgueilleux Anglais. Et ce spectacle, cependant, n'était pas sans charme pour moi-même. Une légère brise soufflait du golfe, le soleil qui s'élevait derrière nous éclairait le sommet du palmier, dont les feuilles gigantesques faisaient s'agiter devant nous de longues bandes d'ombre et de lumière. La clarté se répandait et nuançait tout de teintes variées. On eût cru qu'un mouvement de vie et de plaisir se manifestait dans cette île qui nous avait paru si déserte et si désolée. Seyton, qui d'abord tournait sans cesse ses regards vers notre vaisseau, dont les huniers seuls nous apparaissaient au-dessus d'un massif pierreux, ne songea bientôt plus qu'à interroger notre hôte. Celui-ci parlait l'arabe, langue en usage parmi les mahométans des Maldives. Nous étions en état de le comprendre, et la conversation s'établit familièrement entre nous. « Qui a pu vous décider, lui demanda Seyton, à vivre seul dans ce lieu abandonné ?»« Le destin, répondit l'Indien, en croisant les bras sur sa poitrine et en relevant sa tête vers le ciel. Après le désastre, quand je revins ici pour voir si les flots avaient du moins épargné les tombeaux de mon père et de celle qui fut ma compagne, je ne trouvais rien, car la mer avait enlevé les vivants et les morts. Les palmiers plantés par moi aux deux époques où Dieu bénit ma race avaient disparu avec mes deux fils. Un seul arbre restait dans l'île, et c'était celui par lequel mon père avait signalé le jour de ma naissance. La volonté du prophète m'ordonnait de rester ici. J'y suis, je l'en remercie. Il connaît mieux que nous l'endroit où nous devons vivre heureux. Mais l'ennui, lui dis-je, ne vient-il pas parfois vous surprendre et vous rendre l'existence à charge ? L'ennui ? Je ne puis le connaître. tous mes moments sont occupés. Les trois récoltes de mes fruits, leur préparation, mes étoffes à tisser, mon ménage à enrichir, ma cabane, mes filets à réparer, et la pêche, si douce par un beau temps. Et puis, je ne suis point seul dans cette île. Des races nombreuses d'oiseaux de mer y ont fixé leur séjour derrière ces rochers, près de moi. Tenez, les voyez-vous raser de l'aile et la mer et la grève et remonter vers nous avec le flot qui s'approche? Eh bien, aucun d'eux ne m'est étranger. Ce sont mes voisins, mes compagnons, mes amis. Ils me connaissent et ne redoutent point ma présence. En effet, plusieurs de ces oiseaux, au long bec, à l'aile bleue et blanche, voltigèrent bientôt autour de nous et s'arrêtèrent groupés sur une petite éminence située à la droite de l'Indien. Il leur jeta quelques débris de poissons, puis ils disparurent, pour aller de nouveau tourner en cercle sur les bords du golfe. « C'est une ressource de plus que le ciel met à votre portée. Moi, chercher à les détruire, sans nécessité, quelle société me resterait? Au contraire, loin de leur nuire, quand ma pêche était abondante, ils en ont leur part. Ils viennent à ma voix, et je jouis du doux spectacle de leurs jeux et de leurs amours. Ce sont là vos plaisirs. Ce ne sont point les seuls. Le soleil du matin, la vue de la mer et du ciel, les navires qui passent, les mouches vertes qui la nuit, en tourbillonnant, brillent lumineuses comme de petites étoiles, de temps en temps le vin de mon arbre. Ainsi, rien ne manque à votre bonheur. Hélas, répondit le vieillard, que cette dernière question sembla faire rêver un moment. Je n'aurais rien à désirer si le bétel croissait encore dans l'île. Autrefois, ses rameaux s'enlaçaient aux branches de l'agoutis. Il se multipliait surtout, brillant et parfumé, du côté de ce bois de dattier, dit-il, en nous montrant du doigt un terrain déchaussé, parsemé de mousse noirâtre et de lichen gris. Cependant, je m'en procure en échange de quelques coques de noix que je travaille soigneusement, et des toiles et des cordages fabriqués avec le tissu fibreux de mes cocos. Mais il vous faut toujours avoir recours à vos compatriotes de l'atollon voisin. Oh ! Dit l'Indien en souriant. « Depuis 20 ans, je suffis seul à mes besoins. »« Comment ? Mais vos vêtements, votre nourriture ? Tout est là. »« Le cocotier n'est-il point né du sang d'un dieu ? Tout est là, » répéta-t-il en serrant doucement l'arbre entre ses bras. « Ces larges feuilles ne suffisent-elles pas pour couvrir ma cabane et pour me garantir de l'ardeur du soleil ? De leurs fibres les plus déliées, je tresse mes nattes. Je trouve dans son fruit le lait qui me désaltère et me donne la santé, l'amande qui me nourrit, l'huile qui assouplit mes membres et ranime mon goût. La première écorce du coco me fournit cette bourre précieuse dont j'ai tissu la pagne qui m'enveloppe et les filets qui m'approvisionnent de poissons, car l'appétit de l'homme est exigeant et la même nourriture ne lui convient pas toujours. Les vases, les ustensiles de mon ménage, n'est-ce point encore à lui que je les dois? Qu'ai-je à désirer? L'homme n'est point né pour l'isolement. N'avez-vous jamais envié le sort des autres insulaires? Le visage d'un homme est doux à voir, je l'avoue. Mais parfois je reçois les visites des pêcheurs, et leur rareté m'en rend la jouissance plus vive. Mes souvenirs sont ici. Qu'irais-je faire ailleurs? Et mon arbre? Peut-il se transplanter comme moi? N'est-il pas mon frère de naissance, mon bienfaiteur, mon soutien, l'interprète pour moi des décrets de la Providence, le livre où je retrouve écrit toutes les plus douces émotions de ma jeunesse? Mon père l'a planté, ma mère l'entoura de soins, quand tous deux nous étions jeunes et faibles encore. Il fut le témoin des époques heureuses de ma vie. Chacune de mes années écoulées est gravée sur sa tige par un cercle nouveau. Le quitter? Non. Comptez ses nœuds, ils vous apprendront mon âge, et vous me direz si c'est aujourd'hui qu'il me faut recommencer une nouvelle existence. Et le tombeau de ma femme? Qui en prendrait soin? Son corps n'y est plus, mais il y a été. C'est là que j'aime à me ressouvenir, que j'aime à prier. C'est le premier acte de ma journée, et je venais de l'accomplir lorsque le son de votre voix arriva jusqu'à moi. Ainsi, vous faites même du commerce? Le prophète a béni les travaux de l'homme et les produits de l'arbre. Il m'a accordé du superflu. Mais parfois, durant la saison du vent, les visites sont rares et le bétel manque. Quel homme est parfaitement heureux? Vous, étranger, il paraît que vous en éprouvez une privation plus grande encore, car vos dents n'ont point cette couleur rouge commune à ceux qui font usage de cette plante. Elle ne croit point dans notre patrie. Malheureux pays! Mais sans doute Dieu vous en dédommage par d'autres faveurs, car sa bonté est inépuisable. Homme simple, qui, au milieu de si grandes privations, vantait encore la prodigalité de la Providence. Nous le quittâmes, émerveillés d'une philosophie si naïve et si sublime. Au-delà du golfe, un empire venait de tomber sous les coups de l'opulence insatiable. Mais je ne sais si le spectacle que nous avait donné le pauvre insulaire ne nous frappa pas encore plus vivement que la chute profonde des sultans du Mysore. Pendant quelque temps, Edward Seyton n'osa plus se plaindre hautement du sort et calomnier sa destinée. Devant un pareil souvenir, ses ambitieux désirs se taisaient sans s'éteindre. Car tous les hommes comprennent une grande leçon, mais peu d'entre eux savent en profiter. Après avoir séjourné à Malé, près de quitter les Maldives, nous voulûmes visiter une fois encore notre hôte et son palmier. Nous lui portions du bétel, mais le sage indien ne devait point recevoir de nous le prix de son hospitalité. Arrivés dans l'île, nous ne vîmes plus le sommet du coquetier s'élever comme un léger parasol de feuillage. Un ouragan avait tout détruit. L'arbre était renversé et l'homme était mort. Ils gisaient, étendus l'un près de l'autre. Nous creusâmes le tronc du palmier, le corps y fut déposé, et le sable du rivage les recouvrit tous deux. L'île se nomme aujourd'hui l'île du cocotier. XB Saint-Ine.